Chapitre 14e, un accident. Retournons un moment près de Lady Isabelle. À mesure que le temps s'écoulait, ses forces semblaient renaître. Vers la fin de l'été, sa santé s'était tellement améliorée qu'elle put enfin songer à quitter Grenoble et déjà même elle fit les préparatifs de son départ. Où allait-elle? Elle l'ignorait. Et d'ailleurs, peu lui importait. Abandonnée de tous, seule, sans personne pour la guider, pour la protéger, elle ne songeait maintenant qu'à fuir le monde. Si on lui indiquait une retraite impénétrable, un coin éloigné de l'univers, à l'abri des soucis et des préoccupations humaines, elle s'y fut réfugiée à la hâte, emportant avec elle sa douleur et sa honte. Mais où trouver un pareil coin sur cette terre? Elle partit cependant. Elle se mit en route, sans trop savoir où elle allait, emmenant avec elle l'enfant illégitime, ainsi qu'une servante, une femme du pays récemment entrée à son service. Suzanne avait préféré rester à Grenoble. Il y avait un amoureux. Tout le bagage, à l'exception de ce qui était strictement nécessaire pour leur tournée, fut expédié à Paris bureau restant. Ils quittèrent donc Grenoble, et ce fut par une belle journée. Le train qui les emportait arriva sans encombre, à la nuit tombante, tout près du village de Camer. Lady Isabelle comptait descendre dans cet endroit pour se reposer, pour y passer un ou deux jours. Elle ne se doutait guère, hélas, de la catastrophe qui allait survenir. À quelque distance de cette station, des cris horribles se firent entendre. Là, devant eux, sur la même ligne, sur les mêmes rails, arrivait à toute vitesse, avec la rapidité de la foudre, une locomotive jetant feu et flamme et poussant elle-même des hurlements aigus, prolongés et lugubres. Une rencontre devenait inévitable et eut lieu. Le choc fut terrible et épouvantable. Le spectacle qui suivit, hideux à contempler. On était dans une tranchée profonde, l'obscurité était grande. Mais à la lueur des flammes que lançaient les locomotives embrasées, l'on put distinguer un amas informe, un pêle-mêle de wagons brisés, de cadavres lacérés, déformés par les convulsions de l'agonie, de membres rapetissés et raccourcis par l'action du feu. Le compartiment dans lequel se trouvait Lady Isabelle, avec la bonne et l'enfant, était comme enterré sous les débris des autres voitures. Il fallut pour les dégager de cette position critique avoir recours à mille précautions. On retira d'abord la bonne et l'enfant. Tous deux étaient morts. Lady Isabelle vivait encore, mais elle était tellement meurtrie et si grièvement blessée que les médecins, qui étaient accourus à la hâte, s'empressèrent d'aller porter secours aux autres voyageurs dont la vie leur semblait moins compromise. Isabelle, étendue sur le sol, à moitié évanouie, les entendit se consulter un moment et se dire tout bas qu'il serait nécessaire d'amputer la jambe et que même alors, elle n'en réchapperait point. Outre sa jambe qui était écrasée, pour ainsi dire broyée, elle avait également reçu une contusion assez grave dans le bas du visage. Il lui était impossible de faire un mouvement. Toutefois, ses souffrances n'étaient pas encore très vives. On eût dit que la commotion qu'elle venait d'éprouver l'avait plongée dans un état d'engourdissement, d'insensibilité et de stupeur. Elle conservait néanmoins toute sa raison. Elle voyait ce qui se passait, entendait ce qui se disait, et comprenait même toute la gravité de son état. Quatre hommes s'approchèrent d'elle, la soulevèrent et l'étendirent sur un brancard. Puis une sœur de charité vint lui offrir de l'eau dans un verre. Isabelle entr'ouvrit les lèvres et but avec ivresse. « Puis-je faire autre chose pour vous ?» demanda la sœur. « J'avais avec moi un enfant et une bonne. Voyez s'il vit encore. » La sœur se mit aussitôt en quête. Mais au milieu du désordre qui avait suivi la catastrophe, au milieu des cris et des gémissements confus qu'elle entendait de toutes parts, il lui fut difficile d'obtenir le renseignement demandé. Elle alla se heurter contre le corps inanimé d'un pauvre petit enfant. Elle se baissa, et le prenant dans ses bras, elle le porta auprès de Lady Isabelle. « Voici un pauvre petit ange dont l'âme est maintenant au ciel. Est-ce lui que vous cherchez ?» demanda la bonne sœur. « Oui, c'était bien lui. Il était mort, mais non défiguré. » Isabelle reconnut cet enfant de ses larmes. Elle le pressa une dernière fois contre ses lèvres, remerciant Dieu tout bas de ce qu'il l'avait rappelé à lui. Elle aussi espérait mourir bientôt. Et elle en était heureuse, car elle ne tenait plus à la vie. Elle en était lasse et rassasiée. Elle fit signe à la sœur d'emporter l'enfant. « N'avez-vous rien à me confier ? » demanda celle-ci. « Si vous avez des amis, des parents, je me charge de leur faire connaître vos dernières volontés. ajouta la sœur qui avait entendu l'opinion des médecins. « Tous ceux qui m'ont connu, repartit Isabelle, se réjouiront de la nouvelle de ma mort. Ma mort est l'expiation de ma faute. Puissent tous ceux que j'aime et qui m'ont aimé jadis me pardonner les chagrins que je leur ai causés, la honte que j'ai attirée sur eux. J'ai été bien coupable. Je suis une grande pécheresse. Tournez votre âme vers le Dieu qui pardonne. Ayez une sincère douleur de vos péchés. Faites un acte de contrition et vos fautes vous seront pardonnées, et vos souffrances vont se changer en joie. Cette épreuve dernière, c'est Dieu qui vous l'envoie. Mettez-la à profit. » « Oui, soupira la malheureuse Isabelle. Oui, je porterai ma croix jusqu'au bout. » Sans murmurer. « Voulez-vous que j'écrive à quelqu'un des vôtres ? » suggéra la sœur. « Oui, si vous avez là ce qu'il faut pour écrire. Écrivez et adressez la lettre à Lord Mount. Mais non, » fit-elle en se ravisant brusquement. « Non, j'écrirai moi-même. Je le tâcherai du moins. J'ai encore toute ma raison. Mes mains ne sont point blessées. Mettez le papier là, devant moi. Soutenez-moi un peu. J'écrirai. » La sœur fit ce qu'on lui demandait, et Lady Isabelle parvint à griffonner quelques lignes à Lord Mount Severn, lui annonçant qu'elle allait mourir des suites du funeste accident et que l'enfant était mort. Elle le remercia aussi de sa bonté envers elle et lui annonçait qu'elle était heureuse de s'en aller ainsi, d'en finir avec la vie. Enfin, elle terminait ainsi cette lettre douloureuse. « Voyez Carlyle, dites-lui qu'en mourant mes yeux se tournent vers lui et que j'implore son pardon. Dites-lui que j'implore aussi le pardon de mes enfants. Dites-lui que j'expiais ma faute par le repentir le plus sincère, par les remords les plus poignants. » À peine eut-elle tracé ces dernières paroles qu'elle fut soudainement prise de douleurs atroces et qu'elle se tordit les mains en proie aux contractions spasmoniques des muscles et des nerfs. Elle se raidit néanmoins contre cette attaque convulsive et, par un dernier et violent effort de sa volonté, elle reprit la plume dans ses doigts crispés et ajouta au bas de la page, en caractère aussi contourné que l'était son malheureux corps, « Oubliez, pardon, Isabelle. » Puis elle murmura tout bas à l'oreille de la sœur. « Vous enverrez ceci quand je ne serai plus. Vous y ajouterez vous-même quelques lignes pour confirmer la nouvelle de ma mort. » Lorsque les médecins revinrent auprès d'Isabelle, pour mieux examiner l'état de ses blessures, ils la trouvèrent dans un tel état d'adynamie et de prostration qu'ils secouèrent tristement la tête. La suspension des phénomènes de la respiration et de la circulation était telle qu'ils n'hésitèrent pas à déclarer qu'elle était morte. La sœur de charité, à genoux auprès du brancard, récitait la prière des agonisants. En entendant ce que venaient de dire les médecins, elle se leva pour aller consoler d'autres blessés et prier pour les mourants. Convaincue que Lady Isabelle avait rendu l'âme, elle ne songea même plus à revenir auprès d'elle. La lettre qui lui avait été remise, lettre à laquelle elle ajoutait quelques mots pour annoncer que tout était accompli, partit cette nuit même pour l'Angleterre. Tous ceux qui avaient péri furent ensevelis, et une messe de requiem fut dite à leur intention. Les autres voyageurs qui avaient échappé au péril, mais qui étaient tous plus ou moins en danger, furent transportés à l'hôpital. Lady Isabelle sortit de son évanouissement, et ce fut pour se trouver étendue sur un lit de sangle dans une salle de l'hospice. Elle fut quelque temps avant de pouvoir rappeler ses souvenirs et comprendre qu'elle était encore de ce monde. Après le départ de la sœur, les médecins étaient restés auprès du corps inanimé d'Isabelle, examinant avec une minutieuse attention les blessures et cherchant à se rendre compte si véritablement le cœur avait cessé de battre. Non, Isabelle respirait encore. Et avec des soins empressés et intelligents, l'on pourrait peut-être ranimer en elle le souffle près de s'éteindre. Rien ne fut épargné pour obtenir ce résultat, et Lady Isabelle revint peu à peu à la vie. On ne fit pas l'amputation de la jambe, car de l'avis du chirurgien, la pauvre femme eût été trop faible pour subir une telle opération. Pendant 3 mois, elle resta à l'hospice, et quand elle en sortit, elle était méconnaissable. Personne, en voyant passer cette boiteuse, à la figure pâle et amaigrie et au dos courbé, personne n'aurait pu se douter que c'était là cette douce et ravissante créature qui jadis avait nom Isabelle Vane. La lettre annonçant le décès arriva chez Lord Mount Severn. Le comte était absent pour le moment, il était en Écosse. La lettre fut donc remise à la comtesse. À la vue de l'enveloppe portant le terme en français, à la vue aussi de la suscription bizarrement tracée, Lady Mount Severn éprouva une vive curiosité, s'imaginant que c'était quelque billet doux et que son mari lui faisait des infidélités. « J'ouvrirai cette lettre, » s'écria-t-elle. « Comment ? fit avec véhémence Lord Vane qui se tenait à côté de sa mère. « Mais vous n'en avez pas le droit. Cette lettre est adressée à mon père. »« C'est vrai, » repartit la comtesse, « mais elle contient peut-être quelques nouvelles qui exigent une prompte réponse. » Lady Mountsevern brisa le cachet, tira le papier de l'enveloppe, et ce ne fut qu'avec difficulté qu'elle arriva à en déchiffrer le contenu. « Quelle chose horrible !» murmura-t-elle enfin sous l'impression du moment. « Quoi ? Qu'est-ce ? » demanda le jeune lord qui achevait son déjeuner. « Vous souvenez-vous de Lady Isabelle ?» d'Isabelle Vane. « Comment ? Si je m'en souviens ?» repartit William avec une vivacité pleine d'enthousiasme. « Eh bien, elle est morte. Elle a péri en France, sur un chemin de fer. » Lord Vane demeura silencieux. Ses grands yeux, d'où s'échappait une expression pleine de loyauté et de cœur, se mettèrent de larmes et ses joues s'empourprèrent. Il parvint cependant à maîtriser son émotion. C'est affreux, mais c'est heureux aussi, pour elle, la pauvre créature. Ma mère, poursuivit le jeune garçon, je vous en supplie, ne parlez pas ainsi. Je maintiens ce que j'ai dit, continua Lady Mountsevern, et je vous invite, William, à ne pas vous donner ces airs ridicules. Vous êtes assez âgé pour comprendre qu'après la faute dont la malheureuse s'était rendue coupable, personne n'aurait voulu lui tendre la main. Excepté moi, riposta vivement William. J'aimais Isabelle, je lui étais fortement attaché. Autrefois c'est possible, fit la mère avec dérision, mais depuis qu'elle avait mis le comble à son déshonneur. Permettez, ma mère, interrompit William en relevant fièrement la tête. Je connais quelqu'un qui est plus coupable qu'elle. Quelqu'un j'aurais eu plaisir à souffleter, si à cette époque j'avais été un homme. Vous parlez comme un enfant, fit la comtesse. Ah, c'est là votre avis, demanda William, d'un ton moqueur qui indiquait suffisamment le peu de respect qu'avait su lui inspirer sa mère. Puis-je lire cette lettre ? Ajouta-t-il après un moment de silence. Volontiers, la voici. Lord Vane s'empara du papier que lui présentait sa mère, et se retirant dans l'embrasure de la fenêtre, il demeura quelques instants la tête penchée et l'esprit recueilli. Puis il plia de nouveau le billet et retourna près de la table où était assise la comtesse. Vous enverrez cette lettre aujourd'hui même à mon père ? S'écria-t-il. Cela ne presse point, répliqua Lady Mountsevern. D'ailleurs, j'ignore où est votre père. Je communiquerai la nouvelle aux journaux, et cela avec plaisir, car l'existence de cette femme était une honte pour notre famille. Ma mère, vous n'avez pas de cœur, s'écria audacieusement le jeune vicomte. Que dites-vous, petite effrontée ? Repartit la comtesse en rougissant de colère. Pour vous punir de votre insolence, je vous renverrai dès aujourd'hui à votre pension. Quelques jours s'écoulèrent. Carlyle, selon son habitude, s'était rendu à son étude. Il venait à peine de s'installer devant son bureau que le vieux Deal se présenta subitement devant lui d'un air timide et mystérieux. « Qu'avez-vous ? » demanda l'avoué, frappé de l'attitude gauche et embarrassé de son premier clerc. « Mille excuses, monsieur, » balbutia le pauvre homme. « Je voulais savoir si vous en aviez entendu parler. »« Certainement, j'en ai entendu parler, » répondit Carlyle d'un ton calme et presque indifférent. « Alors je vous réitère mes excuses, monsieur Archibald. J'ai pensé que la nouvelle ne vous en était pas encore arrivée. » Et je voulais vous y préparer d'avance, avant que vous la vissiez dans les journaux. « M'y préparer ?» répétait l'avoué en regardant le vieux clerc, qui reprenait tranquillement le chemin de son cabinet de travail. « Ah ça, mon ami, qu'avez-vous ce matin » continua-t-il en l'apostrophant. « Pensez-vous que je vais me faire du mauvais sang pour une bagatelle pareille, pour 2 ou 3 000 francs tout au plus qui se trouvent compromis ?» Deal s'était retourné, et il fixait maintenant sur son maître des yeux de plus en plus ébahis. « Ah !» « Je vois ce que c'est, monsieur Archibald, » fit-il avec bonhomie. « Vous avez cru que je faisais allusion à la faillite de la maison Kenty Green. Non, monsieur Archibald, non, il ne s'agit pas de cela. Mais alors de quoi s'agit-il ? Vous n'en avez donc pas entendu parler, monsieur Archibald ? J'en suis heureux, car voyez-vous, monsieur Archibald, il est bon que vous soyez prévenu, que l'on vous y prépare. Voyons, Deal, que signifient tous ces détours ? Avez-vous perdu la tête ? Si vous avez quelque chose à m'apprendre, allez droit au but, car je suis pressé ce matin. Je n'ai pas de temps à perdre. » Le vieux Deal s'avança lentement près du bureau et plaçant ses doigts maigres et tremblants sur un numéro du Times. « C'est là, » dit-il d'une voix émue, « là, parmi les décès, le premier nom sur la liste. Soyez calme, monsieur Archibald, soyez calme, » répéta-t-il en quittant brusquement la chambre. Carlyle s'empara du journal et en déchira vivement la bande. Oui, c'était bien comme le lui avait annoncé le vieux Deal, c'était bien le premier nom sur la liste. Décès. Le 18 de ce mois, Isabelle Marie, fille unique de William, comte feu de Mount Severn, à Camers, France. Les clients arrivèrent, mais l'avoué ne donnait pas signe de vie. Une heure, deux heures se passèrent de la sorte, et les mêmes clients, congédiés déjà par le maître clerc, revinrent de nouveau. Le vieux Dill ne savait plus à quel saint se vouer. De tous côtés, c'étaient des plaintes et des récriminations. Ses oreilles en étaient abasourdies. Enfin, il prit son courage à deux mains et pénétra doucement, sans faire de bruit, dans l'étude de son patron. Car là, il était à la même place, tenant encore le journal à la main. « Monsieur Archibald, » fit le pauvre Dill d'une voix suppliante, « Monsieur Archibald, il y a des clients dont je ne puis me défaire. Ils veulent à toute force vous attendre, vous voir. Que dois-je leur dire ?» Carlyle fixa sur Dill les yeux étonnés. On eût dit qu'il se réveillait subitement d'un sommeil pénible, qu'il sortait d'un rêve douloureux. Puis il jeta le journal loin de lui et, se levant brusquement de son fauteuil, il reprit son air calme, sa physionomie habituelle. Chose bizarre, coïncidence singulière, Lord Mount Severn, qui avait appris jadis par les journaux seulement la première nouvelle du mariage de Lady Isabelle, devait apprendre également par ces mêmes journaux la première nouvelle de sa mort. Ce ne fut que le lendemain du jour où il avait reçu le Times qu'il eut connaissance de la lettre envoyée par sa femme. Lord Mount Severn, homme positif et sensé, comprenait qu'en France, de même qu'en Angleterre et ailleurs, les auteurs de notices nécrologiques commettent souvent des bévues et sont enclins à enterrer des gens qui se portent très bien, et c'est pourquoi il crut qu'il était de son devoir de prendre quelques renseignements sur cette mort inattendue. Il écrivit à cet effet une lettre aux autorités de la petite ville de Camers, les invitant à lui communiquer tous les détails possibles. Au bout d'un certain temps, il reçut une réponse de nature à détruire tous les doutes qu'il avait pu avoir touchant l'authenticité et la vérité de la nouvelle. Lady Isabel Vane était bien morte. Du moins, on lui assurait qu'aucune dame parmi celles qui avaient survécu à la catastrophe ne portait ce nom. On lui apprenait aussi que la nourrice et l'enfant dont il s'enquérait avaient péri sur le coup. Deux femmes, ajoutait-on, qui se trouvaient ensemble dans le même compartiment, étaient mortes des suites de leurs blessures, et l'une d'elles devait être la mère du petit enfant. Ces dames avaient été enterrées comme il convient une personne de son rang, car on avait trouvé sur elle une somme suffisante pour payer les frais de sépulture, et ce fut ainsi que, sans la moindre connivence de Lady Isabelle, la nouvelle de sa mort se répandit en Angleterre. Ce fut également par un numéro du Times qu'elle apprit elle-même son décès. Un Anglais, qui se trouvait avec elle dans le même train et qui avait été transporté comme elle dans le même hospice, recevait les journaux anglais et les lui faisait remettre après les avoir lus lui-même. Elle voyageait incognito. En quittant Grenoble, elle avait cru devoir changer de nom et adopter celui de Madame Byne. Les fonctionnaires chargés de l'administration civile, en recevant la lettre du comte de Mount Severn, étaient loin de se douter que la pauvre Madame Byne, qui souffrait sur un grabat d'hôpital, était la personne même qui excitait l'intérêt du noble lord. Lady Isabelle, en apercevant son nom dans le Times, devina immédiatement que sa lettre avait été envoyée en Angleterre et que c'était là l'origine de cette singulière méprise. Maintenant, qu'allait-elle faire? Écrirait-elle à Lord Mount Severn pour le détromper? Non, mille fois non. Depuis longtemps, trop longtemps, hélas. Elle souhaitait la mort. Elle aspirait à l'oubli du monde. Pourquoi désabuserait-elle ceux qui venaient d'apprendre avec satisfaction, sans aucun doute, la nouvelle de son décès? Non. Mieux valait pour elle mettre à profit cette terreur étrangère et bizarre, vivre désormais inconnue de tous, et laisser en paix ses amis d'autrefois. Elle était seule maintenant, seule, sans enfants à nourrir, sans autre préoccupation que celle de se procurer son pain de chaque jour. Elle se sentait la force et le courage de travailler pour le gagner elle-même, ce pain quotidien. Sa résolution fut prise. Elle ne dirait rien. Elle ne révélerait rien. À l'avenir, elle continuerait à s'appeler Madame Byne et elle ne se décèlerait jamais à personne. Lady Isabelle était donc morte, morte pour le monde. La lettre qu'elle avait écrite et qui avait été envoyée à Lord Mount Severn fut en toute hâte expédiée à Carlyle. Pendant plus d'une semaine, à West Lynne et à East Lynne, on ne parla que de la mort de la pauvre Isabelle. Cette nouvelle donna lieu à 1000 commentaires. Puis, quand chacun eut émis son opinion, quand chacun eut dit son mot, on laissa là ce sujet de conversation. Lady Isabelle fut oubliée, oubliée à tout jamais.